faire un petit tour dans ma tête, ouais ça risque d'être stylé. On t'accueille avec un verre de Jack et un peu de glace pilé. Si tu renverses on t'éclate parce qu'on n'aime pas gaspiller. Bref, astique magique, je réfléchis mieux les yuck fidés. J'ai un bon fond si on zappe les sales idées. Je dois faire l'effort de paraître normal mais tout est falsifié. Quand je souris du ton même, quand je m'assure d'être élégant. J'ai mal à la cervelle, je l'imagine en train de me lever sans les gants, yeah. Comme toutes mes personnalités, je me dois d'être superposé. J'ai pas le temps de causer, mais j'ai trop de sujets à t'exposer. Avec l'âge, on a plus grand chose à doser. Si tu nous cherches, dis-toi qu'on sera forcément à l'opposé. Du reste, fais gaffe si je me suis engagé à te proposer du rêve. Parce qu'un jour, je penserai qu'à me débarrasser du lest. Cache-toi sous ta carapace de merde, on va la briser. Tous et tous, à porte fumée, sors tes bouteilles, on va teaser tout. Tous embarqués dans le même train fantôme. Les anges et les démons dans les wagons chanteurs. Le temps détruit tout thème, tous ces taxes et rhum. Je refais un dernier petit tour tellement c'est excellent. Mais tous embarqués dans le même train fantôme. Les anges et les démons dans les wagons chanteurs. Cerveau parasité par un train ou un angiome. Mais j'aurais de la chance si on m'interne pas franchement. Dans le même train fantôme. Dans les wagons chanteurs. T'aimes tous ces taxis rhum, je refais un dernier petit tour tellement c'est excellent, yeah. Je m'introduis texte acéré, affûté rime bien serré. Comme là où j'aime trop m'insérer, gremé non je suis m'inséré. Dans la dead zone c'est comme la médiocrité, c'est peut-être ta priorité. Perso je préfère les headshots, raser mais je suis peut-être chauve. M'en faut trop pour être choqué, ça en a trop bête de prod. Tu l'as voulu mec, dommage on a kické c'est gros. Autotune est faite pour toucher vos gueules sur Painshop. 49 DN au chromie, Xanax, Tinox, Prozac, Exomil. Te fais pas d'illusion, la vie te la mettra à l'envers comme promis. Les gens me saoulent, sont égoïstes et pensent à frimer. Mais pensent que leur vie de merde leur donne le potentiel de pouvoir enfin s'affirmer. Comme moi mais on s'en bat les couilles, ah. Fort je t'écoute même plus d'une oreille, ferme bien ta gueule et alléluia. Plaignez-vous les uns les autres, nous on s'arrache, on s'entend plus penser. J'ai plus de patience, ouais j'ai tout dépensé. Tous embarqués dans le même train fantôme. Les anges et les démons dans les wagons chanteurs. Le temps détruit tout thème, poussé taxé rhum, refait un dernier petit tour tellement c'est excellent. Mais tous embarqués dans le même train fantôme. Les anges et les démons dans les wagons chanteurs. Cerveau parasité par un train ou un angiome. Mais j'aurais de la chance si on m'interne pas franchement. Tous embarqués dans le même train fantôme. Les anges et les démons dans les wagons chanteurs. Le temps détruit tout thème, poussé taxé rhum, refait un dernier petit tour tellement c'est excellent. Mais tous embarqués dans le même train fantôme. Les anges et les démons dans les wagons chanteurs. Cerveau parasité par un train ou un angiome. Mais j'aurais de la chance si on m'interne pas franchement.